The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To make mad. Saouler. To miss. Louper. Job. Le taf. Don't worry. T'inquiète. Mate. Le pote. Old. Vieux. To down. Descendre. Forget it. Lâcher l'affaire. To hang around. Traîner. Chick. La meuf. To like. Kiffer. Late. À la bourre. To muddle. Embrouiller. To be out of here. Se casser. Now, a bit faster. Forget it. Lâcher l'affaire. Old. Vieux. To be out of here. Se casser. To hang around. Traîner. To like. Kiffer. Forget it. Lâcher l'affaire. Old. Vieux. To miss. Louper. To muddle. Embrouiller. To down. Descendre. To be out of here. Se casser. Late. À la bourre. Mate. Le pote. Chick. La meuf. To like. Kiffer. To muddle. Embrouiller. Mate. Le pote. To be out of here. Se casser. Don't worry. T'inquiète. To down. Descendre. Late. À la bourre. Chick. La meuf. To down. Descendre. To hang around. Traîner. To be out of here. Se casser. Don't worry. T'inquiète. To like. Kiffer. Job. Le taf. To miss. Louper. Now, use the words in context. Saouler. It really ticks me off that he never keeps his promises. Ça me saoule qu'il ne tienne jamais ses promesses. Saoule. It really ticks her off that her mother is constantly watching her. Ça la saoule que sa mère la surveille sans arrêt. Saouler. Doesn't it tick you off that she makes fun of you all the time? Ça ne te saoule pas qu'elle se moque tout le temps de toi? Vieux. I'm really not interested in doing lame things with his friends. Ces vieux plans entre potes ne m'intéressent vraiment pas. Lâcher l'affaire. I gave up a long time ago with her. She doesn't want to be with me. J'ai lâché l'affaire depuis longtemps avec elle. Elle ne veut pas de moi. La meuf. That chick is too beautiful. Cette meuf est vraiment trop belle. Kiffer. I really love that type of music. Je kiffe trop ce genre de musique. Saoule. It really ticks her off that her mother is constantly watching her. Ça la saoule que sa mère la surveille sans arrêt. Saouler. Doesn't it tick you off that she makes fun of you all the time? Ça ne te saoule pas qu'elle se moque tout le temps de toi?